Chapitre 22. Jésus utilisa de nouveau des paraboles pour parler à ses auditeurs. Voici, leur dit-il, à quoi ressemble le royaume des cieux. Un roi organisa un repas de mariage pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler les invités pour ce repas, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya alors d'autres serviteurs avec cet ordre, dit aux invités, « Voilà, mon repas est préparé, j'ai fait tuer mes taureaux et mes bêtes grasses, tout est prêt, venez au repas de mariage. » Mais les invités ne s'en soucièrent pas et s'en allèrent à leurs affaires. L'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres saisirent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses soldats tuer ses assassins et incendier leur ville. Puis il dit à ses serviteurs, « Le repas de mariage est prêt, mais les invités ne le méritaient pas. Allez donc dans les principales rues et invitez au repas tous ceux que vous pourrez trouver. » Les serviteurs s'en allèrent dans les rues et rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons. Et ainsi, la salle de fête se remplit de monde. Le roi entra alors pour voir les invités, et il aperçut un homme qui ne portait pas d'habit de mariage. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir d'habit de mariage ?» Mais l'homme ne répondit rien. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dehors dans l'obscurité. C'est là qu'il pleurera et grincera des dents. » Car, ajouta Jésus, beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Les pharisiens allèrent alors tenir conseil pour décider comment ils pourraient prendre Jésus au piège par une question. Ils envoyèrent ensuite quelques-uns de leurs disciples et quelques membres du parti d'Hérode dire à Jésus, « Maître, nous savons que tu parles avec vérité. Tu enseignes la vérité sur la manière de vivre que Dieu demande. Tu n'as pas peur de ce que pensent les gens, car tu ne fais pas attention à l'importance que semble avoir un homme. » « Dis-nous donc ce que tu penses de ceci. Notre loi permet-elle ou non de payer des impôts à l'empereur romain ?» Mais Jésus connaissait leurs mauvaises intentions. Il leur dit alors, « Hypocrite, pourquoi me tendez-vous un piège? Montrez-moi l'argent qui sert à payer l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'argent. Et Jésus leur demanda, « Ce visage et ce nom gravé ici, de qui sont-ils ?»« De l'empereur, » répondirent-ils. Alors Jésus leur dit, payez donc à l'empereur ce qui lui appartient, et payez à Dieu ce qui lui appartient. Quand ils entendirent cette réponse, ils furent remplis d'étonnement. Ils le laissèrent et s'en allèrent. Le même jour, quelques Sadducéens vinrent auprès de Jésus. Ce sont eux qui disent que les morts ne ressusciteront pas. Ils l'interrogèrent de la façon suivante. Maître, voici ce que Moïse a déclaré. Si un homme meurt sans avoir eu d'enfant, son frère doit épouser la veuve, et avoir des enfants avec elle pour son frère mort. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria, mourut sans avoir eu d'enfant, et laissa ainsi sa veuve à son frère. Il en fut de même pour le deuxième frère, puis pour le troisième, et pour tous les 7. Après eux tous, la femme mourut aussi. Au jour où les morts ressusciteront, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car ils l'ont tous eu comme épouse. Jésus leur répondit, « Vous vous trompez. » Parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. En effet, quand les morts ressusciteront, les hommes et les femmes ne se marieront pas, mais ils vivront comme les anges dans le ciel. Pour ce qui est des morts qui ressuscitent, n'avez-vous jamais lu ce que Dieu vous a déclaré? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu, ajouta Jésus, est le Dieu d'hommes vivants, et non de morts. Les foules qui l'avaient entendu étaient très étonnées de son enseignement. Quand les pharisiens apprirent que Jésus avait réduit au silence les sadducéens, ils se réunirent, et l'un d'eux, un maître de la loi, voulut lui tendre un piège. Il lui demanda, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et voici le second commandement, qui est d'une importance semblable. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements. » Comme les pharisiens se trouvaient réunis, Jésus leur posa cette question. « Que pensez-vous du Messie? De qui est-il le descendant ?»« De David, » lui répondirent-ils. Jésus leur dit, « Comment donc David, poussé par le Saint-Esprit, a-t-il pu l'appeler Seigneur ? Car David a dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mette tes ennemis sous tes pieds. Si donc David l'appelle Seigneur, comment le Messie peut-il être aussi descendant de David ? Aucun d'eux ne put lui répondre un seul mot. Et à partir de ce jour, personne n'osa plus lui poser de questions.